Chapitre 18e. Madame de Lucilière eût été veuve que le colonel n'eût pas eu plus de facilité pour la voir, à toute heure, chez elle comme partout. Souvent même, ils se seraient trouvés moins libres, gênés qu'ils auraient été par des raisons de convenance que la présence du marquis supprimait. Aussi, loin de les embarrasser ou de les entraver jamais, celui-ci les servait presque toujours. Avec cela, parfait de bonne grâce et de politesse dans les relations publiques ou intimes avec son associé, attentif à le consulter, soigneux pour lui rendre compte de ce qu'il faisait dans leur commun intérêt. Il est vrai que si le colonel s'était montré défiant, ou même simplement rigoureux de ce côté, il eût trouvé que dans les circonstances importantes, le marquis oubliait presque toujours de le consulter, ou même qu'après lui avoir demandé conseil, il n'agissait que d'après sa propre fantaisie, si conseil et fantaisie ne s'étaient point accordés. Il est vrai que, d'autre part, en examinant soigneusement les comptes qu'on lui rendait, il eût pu trouver qu'ils étaient peu clairs et peu précis. Ce qui était bizarre, venant d'un homme qui maniait le crayon avec tant de dextérité et qui était si habile à dresser des états estimatifs. Mais que lui importait après tout? Ce n'était pas pour avoir une part égale dans la direction de l'écurie du marquis qu'il avait voulu cette association, pas plus que ce n'était pour avoir une part égale dans les bénéfices qu'elle pouvait donner. Il l'avait recherché, il ne recherchait qu'une chose, la sécurité, et cette chose, il l'avait obtenue aussi complète qu'il la pouvait désirer. Si le marquis avait eu pendant un moment des soupçons, il les avait bien vite perdus, pour revenir à la tranquille indifférence au point de vue de la jalousie qui semblait faire le fond de son caractère. On ne pouvait pas souhaiter un mari qui fût moins mari que celui-là. C'était à croire qu'il n'avait une femme que pour l'accabler des témoignages publics de sa différence ou plus justement de sa galanterie, en restreignant ce mot au sens que la vieille société française lui avait donné, c'est-à-dire à la politesse dans les paroles et à l'empressement dans les manières. Cependant, malgré cette facilité à se voir librement et cette sécurité, le colonel n'était pas pleinement heureux. Car ce que Madame de Lucilière était avant qu'il l'aimât, et qu'elle l'aimât elle-même, elle l'était toujours. Rien n'avait été changé ni dans sa conduite ni dans ses manières. Autour d'elle, même empressement. De sa part, même encouragement. Elle n'avait nullement congédié ses fidèles. Lord Ferguson, Serkis Pacha, le duc de Mestosa, le prince Seratov, se montraient aussi assidus près d'elle, aussi attentifs à lui plaire que par le passé, et à côté de ses intimes, que le colonel était sûr de rencontrer partout devant lui, se pressait une foule de courtisans, vieux, jeunes, beaux, laids, dont il ignorait souvent le nom, mais qui tous paraissaient être au mieux avec sa chère Henriette, et étaient accueillis à peu de choses près, comme elle l'accueillait lui-même. Au temps de sa 20e année, il avait eu pour maîtresse une comédienne française d'un des théâtres de la Nouvelle-Orléans, et ça avait été pour lui une véritable souffrance, une profonde répulsion, presque du dégoût, que la liberté et la camaraderie qui sont le fond des mœurs du théâtre. Quelle fut sa surprise en même temps qu'elle fut son chagrin de retrouver dans les mœurs du monde de la marquise quelque chose qui, jusqu'à un certain point, se rapprochait de la liberté et de la camaraderie de la bohème théâtrale. En quoi Césarine, la comédienne, se laissant tutoyer et embrasser par tous les hommes de son théâtre, était-elle plus choquante que Madame la Marquise de Lucilière, une des reines du high life parisien, accueillant gaiement tout ce qu'on lui disait, souriant à tout et à tous, ne baissant ou ne détournant les yeux devant aucun regard, se laissant prendre la main par tous les hommes de son monde, et l'abandonnant tout le temps qu'on trouvait plaisir à la presser ou même à la tapoter à petits coups, comme cela arrivait parfois avec quelques vieux galantins qui lui parlaient, penché sur elle, les yeux allumés, les narines dilatées, la frôlant des genoux et des bras. Encore la différence des milieux donnait-elle à la comédienne des excuses que la marquise n'avait pas. Rien ne pouvait être plus pénible pour le colonel que cette liberté mondaine, qui faisait de Madame de Lucilière la camarade encore plus que l'amie de presque tous les hommes de son intimité. Car ce qu'il aimait, ce qu'il estimait par-dessus tout chez la femme, c'était la délicatesse, la retenue, encore même qu'elle alla jusqu'à la froideur, le trop de ce côté lui étant moins désagréable que l'excès contraire. Or, Madame de Lucilière, qui était très richement doué de toutes sortes de qualités charmantes et séduisantes, était absolument dépourvu de celles-là, à ce point que pour elle c'était des défauts. La retenue, bon pour les petites filles, et encore, n'avait-elle jamais brillé par là, même au couvent. Son grand charme, au contraire, sa grande séduction sur beaucoup de ceux qui l'approchaient, c'était l'art précisément de tout dire et de tout entendre. Personne comme elle pour engager et soutenir une conversation légère à demi-mot, avec des sourires, des silences, des réticences et des sous-entendus, qui étaient la provocation même. Les propos salés ne l'effarouchaient pas. Dit avec esprit, elle les écoutait sans baisser les yeux, en riait franchement, et quand elle les racontait elle-même, elle savait si bien les accommoder qu'ils devenaient un vrai régal. Près d'elle, on restait l'esprit tendu, agréablement chatouillé. De là une provocation continuelle. Et ce qu'il y avait de particulier dans cette provocation, toute puissante sur certaines imaginations, c'était qu'elle agissait surtout par le contraste. Ainsi, c'était en public, dans une fête, en grande toilette de soirée, sous son père Dieu qui la regardait, qu'elle risquait ses propos les plus vifs, de même qu'elle écoutait les choses les plus scabreuses. À l'église aussi, avec les courtisans qui l'accompagnaient, ou qui déposaient longuement leur offrande dans sa bourse. Elle avait adopté une façon de s'exprimer qui, pour être moins épicée, ne manquait pas cependant de hardiesse et de fantaisie. Combien de déclarations qu'elle n'eût pas voulu écouter une minute chez elle, porte close et en tête à tête, avaient été entendues jusqu'au bout avec un sourire dans les yeux et sur les lèvres, uniquement par cette raison qu'elle lui avait été adressée par des gens qui, la connaissant bien, avaient procédé avec elle hardiment et dans des conditions où cela l'amusait. De ces différences de goût et de caractère résultaient naturellement bien des causes de division, qui entre un amant moins épris et une maîtresse d'humeur moins facile eussent amené fatalement, et dans un temps assez court, des querelles, des luttes, des brouilles, et finalement une séparation. Entre eux, elle n'amenait que des discussions qui, pour se maintenir toujours dans les limites de la modération, n'en étaient pas moins douloureuses pour le colonel. Comme il était l'homme le moins querelleur du monde, et d'autre part, comme la marquise ne prenait jamais les choses par le côté tragique, il arrivait presque toujours qu'ils évitaient ces occasions de discussion. Cependant, malgré tout, il arrivait aussi qu'elles surgissent parfois d'une façon inopinée, qu'ils ne leur laissaient pas le temps de la réflexion, et qu'ils étaient invinciblement entraînés là où ni l'un ni l'autre n'aurait voulu aller. Ainsi qu'il se fut fait une joie d'accompagner Madame de Lucilière quelque part, et que tout à coup, au moment où il se croyait sûr de quelques heures d'intimité, surgit un des fidèles ordinaires, Lord Ferguson, le duc de Mestosa, ou un autre, qui venait se jeter entière entre eux et rompre leur tête à tête sans qu'elle en parût fâchée, alors qu'il n'était pas toujours maître de cacher son mécontentement, ou de contenir les mouvements de colère qui le soulevaient. Il abandonnait le plus souvent la place aux nouveaux venus et, allant se mettre à l'écart, il regardait sa chère Henriette, écouter gracieusement les propos de l'importun, rire de ce qu'il lui disait, lui répondre, s'appuyer sur son bras. Que disait-il? Pourquoi ces silences? D'autres fois, au contraire, il restait près d'elle, et lui serrant le bras contre le sien, il maintenait obstinément son droit. Alors, se mêlant à l'entretien, il le dirigeait de telle sorte que c'était le nouveau venu qui était obligé de se retirer. « Êtes-vous content ? » demandait-elle. « Content de rester seul avec vous ? » ?»« Oui, je le suis. » « Content d'avoir montré bien ostensiblement que vous êtes mon amant ? » ?»« Pourquoi ne le criez-vous pas sur tous les toits ? Ce serait plus simple. » »« Ce n'est pas là ce que j'ai voulu, vous le savez bien. » »« Alors pourquoi ne le voulant pas l'avez-vous fait ? » ?»« Dois-je céder à tous ? » ?»« Qui parle de cela ? » Mais voyez-vous-même comme vos paroles trahissent bien vos véritables pensées. Me céder! Vous avez donc sur moi des droits de propriété que vous tenez à faire valoir et à défendre, quoi qu'il puisse arriver, à tous? Je puis donc être pour d'autres ce que je suis pour vous? Je vous en prie, ne dénaturez pas plus mes paroles que mes intentions. Je n'ai pas voulu dire ce que vous expliquez ainsi, pas plus que je n'ai voulu faire ce que vous me reprochez. J'étais près de vous, heureux de sentir votre bras sur le mien. Je n'ai pas voulu céder la place à un importun, voilà tout. Ah, voilà tout. Alors, pourquoi ces paroles hautaines et presque insolentes dans l'entretien auquel vous avez pris part? Pourquoi ces réponses tranchantes, ces regards furieux? Ne permettez-vous donc à personne de m'approcher lorsque je suis à votre bras? Je voudrais le permettre à tout le monde et ne ferai d'exception que... Ah, des exceptions. Et pourquoi des exceptions, je vous prie? Pourquoi celui-ci et pourquoi pas celui-là? Parce qu'il y a autour de vous des gens dont la présence assidue est un outrage pour notre amour et que je ne peux pas les voir vous approcher sans perdre le sang-froid et la raison. Ah, la jalousie. Eh bien oui, je suis jaloux. Jaloux de tout le monde. Bien que ce soit un sentiment que je ne connaisse pas. Il me semble que je le comprendrais jusqu'à un certain point si je vous voyais jaloux d'une personne déterminée. Mais de 10, mais de 20. À qui me voyez-vous témoigner une préférence marquée parmi ces gens dont la présence assidue auprès de moi est un outrage pour votre amour? Si un sourire, si une parole aimable, si une plaisanterie sont des souffrances pour vous, il ne fallait pas aimer une femme du monde, il fallait rester en ironie, huron que vous êtes. Ou bien, il fallait enlever une femme sauvage et vous établir avec elle dans une île déserte que vous auriez achetée. Encore auriez-vous trouvé moyen d'être jaloux de votre ombre, ou des sourires qu'elle aurait donnés à son miroir, si vous aviez permis l'introduction dans votre royaume de cet engin pernicieux. Mais vous êtes à Paris, et je ne suis pas une femme sauvage. Vous plaisantez. Voyons, sérieusement, mon cher Édouard, qui vous gêne particulièrement parmi ceux que vous appelez des gens assidus? Et Serkis Pacha? Allons, regardez-moi, et dites sans rire que c'est de ce bon turc d'opéra comique que vous êtes jaloux. Alors elle faisait la charge de Serkis Pacha, puis ensuite celle de Lord Ferguson, remarquable surtout par sa superbe carnation de homard cuit, celle du prince Eratov, si agréable à regarder lorsqu'il se balançait avec la gentillesse d'un ours blanc, celle du duc de Mestosa, tournant continuellement comme une toupie allemande avec un ronflement charmant. Et c'était si bien la caricature de ses originaux. Elle était si drôle en balançant lentement la tête comme le prince Eratov, ou en tournant et en soufflant comme le duc de Mestosa, qu'il n'y avait mécontentement ni colère qui puisse tenir contre ses singeries. Comment être jaloux des gens qu'elle rendait si parfaitement ridicules et dont elle était la première à rire? Se moque-t-on de ceux qu'on aime? Allons, c'est fini, n'est-ce pas? Disait-elle en saisissant le sourire qu'elle épiait. Ne nous occupons-nous pas des autres, quand nous ne devons penser qu'à nous-mêmes. Eh bien, ne parlons que de nous, je le veux. Mais alors, laissez-moi vous dire que ce n'est point en donnant à tous votre vie comme vous le faites, à vos amis aussi bien qu'aux indifférents, qu'on peut être heureux ou rendre heureux celui qu'on aime. Je ne sais pas encore, bien que je la cherche depuis que je vous aime, quelle idée, quelle conception vous vous êtes fait de la vie et du bonheur. Mais il est certain néanmoins que nos sentiments ne sont pas conformes sur ce sujet. Pour moi, le bonheur ne résulte point de 1000 petites émotions agréables qui s'ajoutent l'une à l'autre, mais d'une émotion unique, aussi grande, aussi intense que possible, ce qui veut dire « J'admets parfaitement votre interruption, car je sens moi-même que j'exprime fort mal, ce que pourtant je comprends fort bien. Je veux dire que si je vais serrer la main des 20 plus jolies femmes qui sont ici, cela me laissera à peu près insensible, tandis que si j'effleure seulement la vôtre, cela me causera une émotion profonde qui arrêtera les battements de mon cœur ou les précipitera. D'où provient cette différence? D'une seule chose, ces femmes ne me sont rien, tandis que vous m'êtes tout. C'est par vous que je vis. C'est pour vous. Je n'ai qu'une pensée, vous. Je la ramène tout à un seul but, vous. Je n'ai qu'un désir, vous. Enfin, pour moi, il n'y a qu'une femme au monde, vous. Qu'une chose à faire, vous aimer. Qu'un bonheur enviable, celui que vous donnez. Qu'un malheur possible, celui qui vient de vous. Ah, chère Henriette, si vous sentiez ainsi, vous verriez la différence qu'il y a entre ma façon de comprendre le bonheur et la vôtre, et vous ne me demanderiez pas ce que je veux dire quand je parle de l'intensité de la sensation. Alors elle le regarda longuement, puis se haussant jusqu'à son oreille qu'elle effleura de ses lèvres. Mais c'est ainsi que je t'aime. Non, Henriette, vous m'aimez, je n'en doute pas. Mais pas comme je vous aime, car alors il n'y aurait qu'une chose en ce monde pour vous, notre amour, comme il n'y aurait qu'un homme, moi. Oui, toujours l'île déserte et la femme sauvage. Pour lui, il était d'une entière bonne foi en parlant ainsi, et cette doctrine de l'exclusivité, de l'intensité dans la sensation, comme il disait, il la pratiquait d'une façon absolue. Il était à elle tout entier et rien qu'à elle. Si, tout d'abord, il avait pu croire que le sentiment qu'il éprouvait pour la charmante marquise de Lucilière n'était qu'un caprice qui s'éteindrait de lui-même après quelques jours ou quelques semaines, il n'avait pas tardé à mieux connaître la nature de ce sentiment. Et du jour où il en avait pu mesurer l'étendue et la profondeur, il s'y était abandonné entièrement, sans calcul, sans raisonnement, sans esprit de retour et sans se dire « j'irai jusque-là, et alors je reviendrai en arrière ». Aussi était-ce tout naturellement qu'il avait évité le tête-à-tête avec la blonde Ida, qui pendant un certain temps l'avait intéressé. Qu'avait-il à demander à cette jeune fille? Qu'avait-il à attendre d'elle? Rien, absolument rien. Son bavardage sentimental n'avait plus aucun attrait pour lui. Il ne le comprenait même plus. Il ne voyait plus les beaux yeux candides de la jeune Allemande, pas plus qu'il ne voyait ses cheveux d'un blond pâle, si fins et si longs, qu'il avait tout d'abord si fort admiré. De même, c'était naturellement aussi qu'il avait autant que possible tenu le prince Mazzazzoli à distance, se renfermant à l'égard de la belle Carmelita, dans une réserve pleine de froideur. Il se rappelait bien que pendant plusieurs jours il avait pris une sorte de plaisir à répéter ce nom de Carmelita, et qu'alors il s'était dit que cette jeune fille aux cheveux noirs était certes la plus belle créature qu'il eût jamais vue, la plus étrange, la mieux faite pour provoquer l'admiration et la curiosité. Mais alors il ne connaissait pas la marquise. Il se rappelait aussi tout ce qui s'était passé dans ce dîner, où, pour la première fois, ils avaient été assis l'un près de l'autre, et la sensation chaude qui avait alors couru dans ses veines. Mais quoi? Tout cela n'avait aucune signification. Surtout, il n'y avait là aucun engagement. Ida lui avait paru charmante. Carmelita admirable. Il s'était approché d'elle. Son cœur, alors, était libre. Maintenant, il s'en éloignait tout simplement, tout naturellement, parce qu'un sentiment profond s'était emparé de ce cœur et en avait chassé toute la pensée, tout désir, qui ne se rapportait pas à celle qu'il aimait. Mais pour Thérèse, ce n'était point avec cette simplicité, avec cette facilité, qu'il avait pris la résolution de s'éloigner d'elle. Thérèse, qui n'avait point la beauté poétique d'Ida ni la beauté sculpturale de Carmelita, avait cependant suscité en lui une émotion autrement vivace que celle produite par ces deux jeunes filles, autrement profonde, autrement puissante. L'idée qu'il pouvait épouser Ida ou Carmelita avait à peine effleuré son esprit. L'idée que Thérèse serait sa femme un jour avait longtemps occupé son esprit et ému son cœur. Toutes les qualités qu'il aimait dans une femme, il les avait trouvées dans Thérèse, avec cette séduction d'autant plus puissante qu'elle ne s'analyse pas et qui s'appelle le charme. S'il avait pensé à Madame de Lucilière, ça avait été en réalité pour fuir Thérèse. Enfin, Thérèse était la femme que son père, à son lit de mort, lui avait demandé d'épouser pour laquelle il était venu en France. Envers elle, il était engagé, sinon par une promesse formelle, au moins par une sorte d'obligation morale. Ne réunissait-elle pas toutes les qualités, une seule exceptée, et encore, n'était-il pas certain que cette exception existât, qu'il s'était lui-même imposé comme condition à son mariage? Tout le poussait donc vers elle irrésistiblement, son esprit, sa raison, son cœur. Tout, excepté l'amour qu'il éprouvait pour Madame de Lucilière. Dans cette condition, il devait donc se faire une loi rigoureuse de ne plus penser à Thérèse, ni au projet qu'il avait pu former, et de ne plus voir en elle qu'une brave petite femme, pleine de qualités exquises qui feraient assurément le bonheur de celui qu'elle voudrait bien choisir pour mari. Qui serait cet heureux mari? C'était ce qu'il ne devait même pas se demander, car elle avait un père pour la guider dans son choix. Et cette loi, il l'avait tenue. Celle qu'il aimait, c'était la femme la plus applaudie du monde parisien. Et il y avait dans ce choix qu'elle avait fait de lui de quoi enorgueillir les plus orgueilleux. C'était la plus spirituelle, la plus délicieuse des Parisiennes. Et dans son esprit, dans sa finesse, dans son entrain, il y avait des jouissances à ne jamais lasser les plus blasés. Enfin, celle qu'il aimait, c'était sa belle marquise, sa chère Henriette, pour tout dire en un mot.